Chapitre 2. La raison humaine a des ambitions déraisonnables, des curiosités indiscrètes. Elle a déjà perdu beaucoup de temps à s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Elle dépasse évidemment ses limites lorsqu'elle sort du domaine de l'expérience, parce qu'elle s'appuie sur le vide et que ses raisonnements manquent de base. Sa vraie tâche, c'est d'étudier les phénomènes et de rechercher les lois qui y président. Elle peut arriver à comprendre le comment des choses, leur pourquoi lui échappera toujours. Nous ne pouvons connaître par son moyen que nos sensations et nos idées. Ce que ces sensations, ce que ces idées représentent est à jamais hors de la portée de notre raison. Descartes disait « J'ai l'idée de Dieu, donc Dieu existe. » Erreur. Tu as l'idée de Dieu, donc tu as l'idée de Dieu, voilà tout. Si Dieu existe, nous pouvons connaître ses œuvres. Lui-même, notre raison ne peut ni l'atteindre, ni le définir. Même impuissance au sujet de l'immortalité de l'âme et même de son existence. Les théories de Platon sont ingénieuses. Elles manquent de base. C'est une série d'hypothèses données pour des probabilités. Il en est de même dans tous les départements de la science. Les rapports des choses entre elles, leurs manifestations sensibles sont à notre portée. Impossible d'atteindre aux choses elles-mêmes. Je n'en veux pour preuve que les efforts infructueux d'un des esprits les plus pénétrants de notre pays, M. Ernest Naville, pour définir les choses de l'ordre moral. Tous ces raisonnements se réduisent à ceci. Qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est ce qui doit être. Qu'est-ce qui doit être? L'ordre. Qu'est-ce que l'ordre? C'est la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut le bien. Nous voici ramenés à notre première question. Qu'est-ce que le bien? Tel est, comme l'a montré M. Eugène Rambert, le cercle vicieux dans lequel tourne la raison humaine lorsque, non contente d'établir les relations des choses, elle entreprend de faire connaissance avec les choses elles-mêmes. Les positivistes ne sont pas plus avancés. Écoutons M. Alfred Fouillé. « Qu'est-ce que le bien ?» demande M. Taine. « Pour le savoir, consultons l'expérience et la logique. La nutrition est dans une plante un fait principal, dominateur, dont beaucoup d'autres ne sont que la préparation ou la suite. On peut donc dire que la plante tend à se nourrir, que la nutrition est pour elle une fin, un bien. Généralisé, le groupe de faits principaux qui constitue un être est le bien de cet être. Voilà la définition du bien. En savons-nous beaucoup plus qu'auparavant sur ce qui constitue l'essence du bien? Notons que si les preuves manquent pour établir rationnellement l'existence de l'âme, du bien ou de Dieu, les arguments par lesquels on cherchait à expliquer leur non-existence tombent également à faux. Soit pour l'attaque, soit pour la défense, la raison est impuissante, ce terrain lui est interdit. Diderot, le père des transformistes contemporains, le philosophe bel esprit qui se moquait du prétendu créateur, Diderot faisait mélancoliquement l'aveu de cette impotence de la raison. « Qu'aperçois-je » dit-il dans son traité de physiologie, « des formes. » Et quoi encore ? Des formes. J'ignore la chose. Nous nous promenons entre des ombres, ombres nous-mêmes, pour les autres et pour nous. Si les doctrines chères aux spiritualistes sont à l'abri des attaques de la raison, celles des matérialistes ne le sont pas moins. Pour leur montrer que la matière n'est pas tout dans l'univers, il faudrait savoir ce que c'est que la matière, mais on ne le saura jamais. On prétend aujourd'hui que ce n'est que du mouvement. Le mouvement de quoi? Jusqu'à ce qu'on me l'ait montré, je prendrai la liberté, avec Claude Bernard, d'appeler hasardé toute affirmation au sujet de ce qui est ou n'est pas dans l'univers. Le fait est patent, il saute aux yeux. Nos plus grands savants sont aussi ignorants sur cette question de l'essence des choses que les sauvages de la Polynésie. La raison peut faire des conjectures, elle est absolument incapable de les vérifier. Mieux lui vaudrait renoncer une fois pour toutes à ses folles tentatives et se contenter modestement d'étudier le merveilleux comment de cet univers dont le mystérieux pourquoi est insaisissable. On ne verrait plus ce triste spectacle de gens également estimables, mais d'avis diamétralement opposés, perdre leur temps dans une querelle sans issue et sans profit. Ainsi, la raison étant écartée comme incompétente, la question se réduit à ceci. Que les uns croient au monde visible seulement, et que les autres croient à la fois au monde visible et à l'invisible. Les uns et les autres croient sans preuve rationnelle, ils croient parce qu'ils croient, voilà tout.